Allons, bras d'eau bouscaché, ben et dosi l'oi boy. L'uspastre d'eau vilace s'amusera tout yoy. Et eu tout à souletta, en gardemus mutus, ras d'une fond clareta, exprime mas doulou. Mundi ou kamen sou bene, d'au tous ten kai passat. Podé pas me détene, déplora mon ingrat. Tout à l'agneau de languisse, aïe pas plus de plaisir, et ta la main souffrisse, caïmaïmaï mourir. Tenez pas à la bida, mon berger m'a trahi. Destré d'une aïe poulida, de caco m'a servi. Abandonnem pecaire, aqueste beu sechou, cerquem pas plus à plaire, renoncem à l'amour. Adieu, busqué paisible, te reverrai pas plus, mon corps toujours sensible se souviendra des tus.